Histoire vivante en nouvelle diffusion, proposée par Jean Leclerc et Frédéric Piffer. Les jeunes filles se dévoilèrent, enlevèrent leurs foulards multicolores, dénouèrent leurs chevelures et se mirent à sangloter en se griffant le visage comme une coutume antique en a formé l'instinct lorsque surviennent de grands malheurs. Histoire vivante, une émission de Jean Leclerc. Qui dit jeune dit innovateur. Donc quand un roi est jeune, peut-être qu'on attend de lui son côté innovateur, son côté subversif, qui va faire évoluer les choses. Mais apparemment, jeunesse ou vieillesse, il n'y a pas trop de changements. Du protectorat à l'indépendance, cette semaine, la destinée d'Hassan II, roi du Maroc, naissance et épanouissement d'une démocrature. L'armée est fidèle à son roi et la situation est normale et tous les comploteurs ont été arrêtés. Bonjour. Aujourd'hui, nouvelle journée consacrée au Maroc, Hassan II. Dans ce règne qui aura conduit le Maroc vers une unité certaine et des réformes économiques conséquentes, quoique insuffisantes, dans ce Maroc qui aura réussi à maintenir sa sphère d'influence sur les capitales occidentales ou arabes, mais à quel prix ? Dans ce même Maroc, 1000 problèmes de corruption, d'intolérance, de politique répressive vont entacher un règne souvent, mais tardivement, fort contesté. Hassan II, à qui nous consacrons notre semaine, avec différentes périodes cruciales qui ont marqué ses 38 années de règne. 38 années, nous le disions hier, au bilan très contrasté, mais qui ne saurait en tous les cas se satisfaire d'un éclairage univoque. Aujourd'hui, au cœur de la multitude de ces problèmes, la question du Sahara occidental. Grâce aux travaux de Tony Hodges, diplômé de l'Université d'Oxford et écrivain britannique de renom, spécialisé dans les affaires africaines, nous allons évoquer les origines et les enjeux de cette guerre pour un désert. Pour le moment, nous nous transportons au fin fond des origines. Chapitre 1. Il était une fois, il y a 8000 ans, une plaine riche. Oui, il fut un temps où le Sahara n'était pas un désert. Il fut un temps où, loin de ce paysage majestueux et aride, il n'y avait que de vastes savanes peuplées de girafes, d'éléphants, de rhinocéros. Les photographes de cette lointaine époque néolithique ont recouvert les murs de leurs dessins rupestres. Plusieurs milliers d'années après, les archéologues fouillant le Sahara occidental et la Mauritanie mirent à jour ces étranges croquis. Il semble que les informations sur les peuples ayant dessiné ces animaux qu'ils voyaient alors soient des plus lapidaires. On parle d'une population noire appelée les Bafours. Les Bafours résidaient plutôt au centre et au sud de la Mauritanie. Le nord, lui, était occupé par des populations plus blanches de peau, de souche caspienne ou encore ibéro-mauresque. Mais la sortie du néolithique ne va pas se montrer particulièrement tendre pour ces populations, sa faune et sa flore. Une catastrophe écologique fait disparaître la savane pour laisser désormais la place au fascinant mais cruel désert. Désormais, l'élevage et l'agriculture sont réduits à une portion plus que congrue. Les Bafours descendent le plus au sud qu'ils le peuvent pour échapper, du moins peuvent-ils l'espérer, à la fournaise. Cette terre hostile ne reste cependant pas inhabitée. Au cours du premier millénaire avant Jésus-Christ, de nouveaux arrivants, des nomades berbères, prennent possession des lieux. D'une civilisation déjà plus avancée que les Bafours du néolithique, ayant déjà appris à domestiquer le cheval et à utiliser le fer, ils achèvent de prendre pleinement possession de la région grâce à l'animal désormais emblématique du désert, le chameau. Chapitre 2. Des nomades qui s'installent. D'après les historiens arabes, certains de ces premiers berbères du Sahara occidental se convertissent à l'islam au cours des 9e et 10e siècles et il semble que l'expansion progressive de cet islam au désert aurait été facilitée par l'apparition d'un commerce régulier à travers le Sahara. Les principaux États arabes de la Méditerranée occidentale, dont l'Espagne, ont besoin de l'or de l'Afrique noire pour frapper monnaie et ils se font concurrence en s'alliant à des tribus locales pour contrôler les principales pistes caravanières. Au cours des quelques siècles qui suivent, moins par une invasion brutale que par une infiltration progressive, un nouveau peuple aux origines ethniques multiples naît, connu aujourd'hui sous le nom de Maures. À mesure que l'on avance dans le temps, Les explorateurs européens sont soucieux de découvrir les tribus qui occupent désormais cette immense terra incognita, tout au moins en bien des endroits. Tour à tour, des expéditions anglaises, françaises, établissent des listes de plus en plus complètes des différentes tribus réparties dans l'immense étendue. Il est peu à peu admis que les populations du Sahara occidental sont organisées en tribus distinctes et présentent une assez grande diversité. Les centres de pouvoir au Sahara occidental au IXe siècle sont au nord le petit état de Loued Noun, gouverné par la famille Beyrouk, et au sud, l'émirat de l'Adrar, contrôlé par la puissante tribu des Yahya Ben Othman. La vaste zone désertique située entre les deux n'est soumise à aucun pouvoir constitué. Elle se trouve donc dans une véritable situation d'anarchie. Vivant sur une terre désertique, en majeure partie impropre à l'agriculture, les Maures forment, au début du XXe siècle, une communauté de pasteurs nomades. Chameliers et moutonniers pour la plupart, éleveurs de bœufs pour les plus méridionaux, ils vivent tous sous la tente, à l'exception de quelques sédentaires occupant les villes-marchés qui jalonnent les pistes du commerce transsaharien. Ils sont répartis sur quatre zones, facilement repérables par ce qui est ici le poumon de toute vie, l'eau. Selon le niveau de pluviosité, on pourra élever, cultiver. Pour la région qui va bientôt être au cœur d'un terrible conflit, la zone reçoit 50 millilitres d'eau par an. Chapitre 3. Concerto disharmonieux pour petits peuples et grands empires. En raison de sa faiblesse, l'Espagne n'a pu jouer qu'un rôle mineur dans la course aux colonies des puissances mondiales. Vers 1914, les plus grandes puissances se sont octroyées 65 millions de kilomètres carrés de territoire colonial. La Grande-Bretagne en a acquis à elle seule presque 35 millions de kilomètres carrés. L'Espagne, en revanche, n'a réussi à annexer que 350 000 kilomètres carrés, dont les trois quarts sont désertiques. Une fois installés dans cet endroit à la fois rude mais important stratégiquement, les colons espagnols se démarquent dans leur attitude de celle infiniment plus belliqueuse des Français. Des Français qui, après l'Algérie et la Tunisie, ont bien évidemment des vues sur le Maroc. Nous l'avons évoqué hier avec le maréchal Lyautey. À bien des égards, les Sahraouis continuent à mener la vie qui était la leur depuis des centaines d'années. Très peu d'entre eux vont vivre dans les petites installations espagnoles avant les années 60. Ils restent nomades pour la plupart et sont donc plus ou moins livrés à eux-mêmes. Mais l'année 1956 va marquer un tournant décisif dans cette région du monde. La découverte en Algérie, juste à côté, du plus grand puits de pétrole de la région, Hassim Essaou. Et on se dit que le Maroc, lui aussi, pourrait bien receler des trésors dans le cœur de sa terre. Même si l'Espagne entend conserver sous son influence le territoire, sa volonté de décoloniser sa province saharienne ne fait pas de doute au début des années 70. Le 21 septembre 1973, le chef de l'État espagnol, le général Francisco Franco, envoie à l'Assemblée générale du Sahara le message suivant. L'État espagnol réaffirme que le peuple sahraoui est l'unique maître de son destin et personne n'a le droit de faire violence à sa volonté. L'État espagnol défendra la liberté et la volonté de libre décision du peuple sahraoui. L'État espagnol garantit l'intégrité territoriale du Sahara. L'État espagnol réaffirme et garantit solennellement que la population du Sahara déterminera librement son destin. Un an plus tard, le 20 août 1974, c'est au secrétaire général de l'ONU, Kurt Waldheim, que le gouvernement espagnol adresse ce message. Le gouvernement espagnol organisera un référendum sous les auspices des Nations Unies dans les 6 premiers mois de 1975. Il prendra les mesures nécessaires pour que les habitants autochtones exercent leur droit à la libre détermination. Le même jour, Hassan II fait savoir qu'il ne peut accepter un référendum qui contienne l'option de l'indépendance. Mieux, il prend une initiative incroyable, sa fameuse marche verte, à laquelle vont participer plus de 500 000 Marocains. Chapitre 4. Objectif royal, le Grand Maroc. Le 21 octobre, un premier contingent de 20 000 personnes part en un convoi d'autocars et de camions. Deux jours plus tard, un immense campement se forme peu à peu, à environ 25 km de la frontière du Sahara occidental, à mesure que les groupes de marcheurs arrivent de toutes les provinces du Maroc. Vers le 28 octobre, 145 000 d'entre eux sont déjà arrivés. Sur le plan logistique, c'est une opération gigantesque. L'Office national de chemin de fer doit interrompre son service normal et affréter des trains spéciaux, 7813 camions et autocars appartenant en majeure partie à des compagnies privées sont mobilisés, ainsi que 230 ambulances et 470 médecins. L'armée de l'air marocaine parachute aux marcheurs des sacs de blé à l'aide des avions de transport que les États-Unis viennent juste de lui livrer. Et comme il n'y a pas de source d'eau fraîche, il faut apporter 23 000 tonnes d'eau ainsi que 17 000 tonnes de victuailles et plus de 2 000 tonnes de fuel. La plupart des marcheurs sont des gens très pauvres. Nombre d'entre eux sont des ouvriers agricoles saisonniers venus de la campagne ou des jeunes chômeurs des villes. Là, on leur fournit gratuitement de la nourriture et des cigarettes, et beaucoup d'entre eux vivent bien mieux ici que chez eux. Certains, croyant qu'ils font route vers une terre promise, dans l'espoir de pouvoir s'installer au Sahara occidental à l'issue de la marche. L'Espagne d'un Franco désormais agonisant dans un coma définitif ne trouve d'autre rémission que dans le renoncement à son projet. Après l'accord signé avec l'Espagne, le Maroc et la Mauritanie, qui se partagent désormais le territoire, Hassan II affirma que la question saharienne était réglée. Il n'en était qu'au début de ses problèmes. C'est l'entrée en scène d'un certain Frente Popular para la Liberación de Sagua, el Hamra y de Río de Oro, autrement dit, le Front Polisario. Chant révolutionnaire sahraoui parlant de la guerre, interprété par la voix de Mahfoud Alien et la guitare électrique de Naïm Allal. Comme quoi, on peut venir du désert et être moderne. Mahfoud Alien et Naïm Allal interprètent « Viva el Polisario ». Ah, Chapitre 5. Qu'y a-t-il de commun entre une file d'attente et le Sahara occidental? On y entend fréquemment ce genre de réflexion. Au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, on était là depuis un bon moment. Lors du partage de ce Sahara occidental entre le Maroc et la Mauritanie, les populations sahraouies n'ont pas été consultées. Le Front Polisario, c'est-à-dire le Front de Libération Sahraoui, qui demande l'indépendance à l'Espagne, se lance alors dans une guérilla contre les deux nouveaux occupants. Il a le soutien militaire et financier de l'Algérie, qui accueille à Tindouf les militants sahraouis et tous les nomades qui fuient le Sahara occidental. L'Algérie décide de soutenir le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination. Et le 27 janvier 1976, un premier affrontement oppose des troupes marocaines et algériennes à la frontière. Les autorités marocaines sont formelles. Contrairement à ce qu'a indiqué l'agence algérienne de presse, ce n'est pas un convoi de vivres et de médicaments que les forces armées du Maroc ont attaqué, mais ce sont des bandes armées qui s'étaient retranchées dans Ramgala. L'assaut a été donné, dit-on ici. La localité a été reprise et parmi les prisonniers, il y a 12 militaires algériens armés et un uniforme de l'armée d'Algérie. On ne minimise pas et on n'amplifie pas l'incident, mais on fait observer qu'Amgala est situé dans la Seyyed El Amra, c'est-à-dire dans la partie nord du Sahara occidental, d'où les Espagnols se sont retirés et où l'administration et l'armée marocaine se sont implantées en application des accords hispano-maroco-mauritaniens de Madrid en novembre dernier. Grâce à ce soutien algérien, le Polisario proclame en 1976, depuis son exil, la République arabe démocratique indépendante du Sahara, reconnue par 73 États. L'ONU se prononce pour l'autodétermination du Sahara occidental et condamne l'occupation marocaine qui s'étend désormais également au sud du territoire depuis que la Mauritanie s'est, elle, retirée du Sahara. Hassan II, dans une conférence de presse datée du 20 août 1979, dénie cette prétention à l'indépendance. Il y a deux puissances auxquelles nous pourrions un jour ou l'autre demander le témoignage de gentleman, celui qui n'est récusé par personne. C'est la France et l'Espagne. Elles ont dans leurs traités communs, dans leurs échanges de lettres communes, dans leurs opérations militaires communes, dans leurs archives, elles ont de quoi démontrer qu'il n'y a jamais eu de peuple sahraoui, qu'il y a toujours eu une allégeance, que même lorsque l'autorité marocaine n'était pas directement exercée sur les populations, elle l'était par l'intermédiaire de grands émirs, c'est-à-dire de grands princes. En réalité, la France et l'Espagne, s'ils voulaient arrêter immédiatement, ou tout au moins mettre ceux qui sont de mauvaise foi devant leurs responsabilités, pourraient le faire. Le Maroc poursuit donc seul les combats face au Polisario. Pour empêcher les raids, l'armée marocaine construit par étapes, à partir de 1980, un mur fortifié. Il protège ainsi 80% du territoire utile, ainsi que la population toujours plus nombreuse de colons marocains. Mais l'organisation de l'unité africaine fait pression auprès d'Hassan II, et en juin 81, c'est le coup de théâtre. On attendait l'événement, il s'est produit. Depuis fort longtemps, le roi du Maroc boudait les sommets de l'OUA. Or, cette année, il a fait le voyage de Nairobi et devant l'Assemblée de l'Organisation pour l'Unité Africaine, il a déclaré aujourd'hui accepter la mise sur pied d'un référendum sur l'avenir du Sahara occidental. Autrement dit, les habitants de la région seront consultés et décideront de leur sort. Mais écoutez, le roi Hassan II. Dieu du Maroc sont établis inébranlablement la légalité et la légitimité de l'appartenance du Sahara occidental à la communauté marocaine. S'il peut et s'il veut se prêter à leur vérification, il ne saurait accepter de les voir tenir pour nuls et non avenus. Au niveau de l'OUA, cependant, le problème du Sahara n'en demeure pas moins posé. Aussi avons-nous décidé d'envisager une procédure de référendum contrôlé dont les modalités feraient droit à la fois aux objectifs des dernières recommandations du comité ad hoc, c'est-à-dire le comité des sages, et à la conviction qu'a le Maroc de ses droits légitimes. Ainsi, le Maroc, quoi qu'il lui en coûte, administre-t-il une fois de plus la preuve de sa totale disponibilité et surtout de sa ferme volonté de demeurer un membre militant et utile de l'organisation de l'unité africaine, agissant inlassablement pour le triomphe des principes inscrits dans sa charte. Cependant, le mur fortifié décidé par Hassan II continue de s'ériger. En avril 83, un journaliste indépendant, Jean Musy, se rend au Sahara occidental et rencontre lors de son reportage un combattant sahraoui que fort peu de journalistes à l'époque ont la possibilité de croiser. La ligne là, c'est plein de bases. Bon, y a les bases entre chaque base et autre, peut-être 3 kilos, 4 kilomètres, tout le long de ligne. Mais il y a plusieurs lignes. Il y a derrière aussi lignes, il y a les forces concentrées. Devant l'île, il y a le fil barbaré, il y a le champ de mine, c'est comme ça. Et dans la l'île lui-même, il y a des grandes positions de base et positions des chars, des armes et tout. Alors là, on voit une espèce de ligne rouge au sommet là, de l'horizon et ensuite une ligne blanche. C'est vrai, parfois on voit la ligne, ça apparaît blanche et parfois ça apparaît un peu rougeâtre. Ça dépend de la nature des terrains. Parce qu'il y a des terrains un peu rougeâtres, il y a des terrains un peu jaunes. Et c'est pour ça qu'on voit la ligne bien construite. Peut-être parfois on la voit blanche, parfois on la voit rouge. Donc c'est la nature des terrains qui nous montre le couleur de la synthé. D'abord, on a affaire à un mur de sable. Quand on approche depuis le côté sahraoui, on a un mur de sable. Ensuite, on a un champ de mine. Non, pour les positions sahraoui, ils n'ont pas un mur, mais seulement ils sont là devant la ceinture, ils contrôlent très très bien les positions, ils sont là dans des positions avancées, près de la ceinture, à peu près 3 km, 4 km, en face de toutes les bases, et le contrôle. Est-ce que l'aviation intervient ? Oui, parfois quand c'est dire, parfois quand la base marocaine serait très très bombardée, ou il y aura des grandes pertes, ils peuvent appeler au secours et l'aviation revient. Parfois, l'aviation revient un peu en retard quand le bombardement sera fini, après une heure, deux heures, comme ça. Et parfois, il revient juste pendant le bombardement. Donc, ils n'ont pas quelque chose de bref et très très bien. Et alors, vous abattez les avions avec quel type d'armes ? Nous avons les DCA qu'on a récupérés des Marocains, les 14-5, les 23 et les 12-7. On a parlé très souvent de la presse occidentale que vous aviez des missiles SAM. Les gens disent que le missile SAM, il atteint les avions dans des hautes altitudes. Peut-être ça, quand tout sera terminé. Il n'y aura plus d'avions qui survolent, il n'y aura plus rien du tout. Mais ça, on n'a pas jusqu'à présent. Un accord est-il possible entre les représentants sahraouis et le gouvernement marocain ? Voilà ce que disait le premier ministre de la République arabe sahraouite en 1983, Mahfoud Ali Beïba. اي استعداد من طرف الملك المغربي للحل هذه بالطبيعه الموجوده لحدثا il y a deux voies de pour une solution ou bien la lutte la guerre la situation de guerre et c'est la situation qui existe actuellement étant donné qu'il n'y a pas une volonté de roi d'une solution autre que celle de la solution politique pacifique la deuxième solution c'est la négociation et qui pour nous a des horizons très limités jusqu'à présent. Et l'important, c'est le principe. Parce que c'est vraiment être au-devant des événements et c'est comme dit, poser la charrue devant le bœuf. Plus de 150 000 Sahraouis ont dû fuir et des camps ont été édifiés dans le sud-ouest algérien, Tindouf. Depuis le début des années 90, un cessez-le-feu est respecté et la mission des Nations Unies pour le référendum au Sahara occidental tente d'organiser un référendum d'autodétermination. l'année 2001 restera comme une année pivot dans l'histoire de ce conflit oublié. Elle a débuté par la fin formelle du cessez-le-feu respecté depuis 10 ans entre les forces sahraouies et les forces marocaines et se clôture sur les dernières tentatives d'imposition d'une troisième voie proposée par le Maroc et soutenue depuis le milieu de l'année 2001 par Kofi Annan et son envoyé personnel au Sahara occidental, James Baker. Les observateurs ont toujours affirmé que ces négociations, visant à convaincre le Front Polisario d'abandonner l'idée du référendum, seront inévitablement vouées à l'échec. مولاي محمدي يلا يفليك بحب الله جات لبس دربلق ودربلت ولاي الله عما يلبسها من وانا Une émission proposée par Jean Leclerc en collaboration avec l'unité documentaire TV et les archives de la RTS. Avec aujourd'hui la participation de David Golan, Corinne Rocha, Valérie Dantan, Daniel Zacker. Réécoute et podcast sur histoirevivante.ch. Vous écoutez La Première et il est 14h.